avenue du Maine. Cette avenue est située à Paris, près de Montparnasse. Les manèges déménagent. Manège, ménagerie, où? Et pour quel voyage? Moi qui suis en ménage depuis... Ah, il y a bel âge. De vous goûter, manège. Je n'ai plus que neige, l'âge. Les manèges déménagent. Ménager, manager de l'avenir du Maine, que ton manège mène pour mener ton ménage. Ménage ton ménage. Manège ton manège. Ménage ton manège. Manège ton ménage. Mais déménagement au déménagement. Les manèges déménagent. Ah, vers quel mirage? Dites, pour quel voyage les manèges déménagent?